que moi été choisi, oui, il était choisi pour la vie. Pour tout à nous t'as grandi, ou t'es grand, moi, vin, big crazy. Pour tellement où t'es joli, les mots pas de compte, ça pour me dire, oh, chérie, moi, mon gambin est passion pour baby. Ça fait longtemps, c'est où ma boîte. Parce que c'est où ma vie, t'as pris vini, mamie.